kilos de saucisses, mais aussi de vinaigre. Et puis, on termine avec Michel Faubert et Thomas Hillman. On va replonger encore une fois dans la musique folk d'une autre époque. Merci d'être là. Il y a 55 ans, la fusée Saturn V décollait de la base Cap Canaveral aux États-Unis et propulsait la mission Apollo 11 dans l'espace. 4 jours plus tard, le module Eagle alunissait et l'astronaute Neil Armstrong faisait son premier pas, son petit pas d'homme sur le sol lunaire. Des millions de téléspectateurs à travers le monde ont été témoins de ces moments historiques-là. Et aujourd'hui, la Lune est à nouveau dans la mire des nations terrestres. Donc, on a décidé de prendre ce point de départ pour discuter du passé et de l'avenir des missions lunaires. On a réuni 2 experts et passionnés de l'espace. L'astronaute David Saint-Jacques, qui a passé un peu plus de 6 mois à bord de la Station spatiale internationale. Bonjour. Bonjour, bonjour, Evelyne. Et on a l'astrophysicienne avec nous, Nathalie Nguyen Kouakouellet, directrice adjointe de l'Institut Trottier de recherche sur les exoplanètes et de l'Observatoire du Mont Mégantic. Bonjour. Bon matin. Vous êtes accompagnée, vous aussi? Oui, j'ai mon bébé, 32 semaines avec 32 moi. Semaines. Vous êtes en pleine plénitude, justement, comme la Lune. J'aimerais, si vous le voulez bien, je vous propose en fait de revivre le moment de décollage de la fusée Saturne 5. On est ici le 16 juillet 1969 et c'est cette fusée-là qui va propulser la mission Apollo 11 dans l'espace. T-minus 10, 9, 8, we have a go for main engine start. We have main engine start. 4, 3, 2, 1, 0, liftoff. On est en 1969, vous n'êtes pas encore né, David Saint-Jacques. En fait, j'étais dans le ventre de ma mère qui a regardé ça enceinte, peut-être à peu près à ton niveau. Bon, voilà. Ouais, donc, peut-être indirectement, j'ai vécu l'émotion via ma mère. Oui. Mais n'empêche, ce moment-là a dû vous marquer dans votre jeunesse. Comment vous avez découvert l'alunissage du premier homme? Bien, petit garçon, vers 5-6 ans, hein, commençais à m'intéresser au monde autour de moi, puis ma perspective, la bulle dans ma tête grossissait, jusqu'à ce que je comprenne, qu'en regardant les images là, de la Lune, la Terre vue de la Lune, que je comprenne vraiment ce que je regarde. Et puis, ça a fait exploser ma perspective sur le monde. Puis là, je me suis vraiment intéressé à comprendre, mais qui a pris ces photos-là? Comment ça marche? C'est quoi cette affaire-là? Puis là, on était sur la Lune. Ouais, c'est intéressant, ça. Et là, ça m'a toujours fasciné, Apollo, un peu comme c'était presque surhumain pour un petit garçon. Comme je pense beaucoup de gens de ma génération, la génération Apollo, on a tous été impressionnés. C'est comme une des plus belles choses que l'humanité peut faire. C'est comme une preuve qu'on peut faire des choses extraordinaires ensemble, en équipe. Et puis bon, fait que ça a comme planté une graine dans la tête du petit garçon, peut-être. Puis, mais oui, ça m'a impressionné. Puis par la suite, quand, de fil en aiguille, éventuellement, je deviens astronaute. Et c'est comme nos devoirs dans le cours de base d'astronaute, c'est de comprendre Apollo. Ah oui, hein? Oui. On étudie ça tout en détail pour absorber. On rencontre les vieux ingénieurs qui étaient là à la POC. On rencontre les astronautes de la mission, ceux qui vivent encore. Parce que c'est un peu la base du rêve d'exploration spatiale. Oui. Oui, c'est un savoir aussi qui doit se transmettre et qu'on est en train de perfectionner. Vous êtes née en 1987. Oui, donc Nathalie, un peu plus tard. Un peu plus tard, mais quand même, cette exploration lunaire-là, est-ce que ça vous a marqué? De quelle façon? Oui, absolument. Et en fait, on a tendance à regarder le ciel et à le voir un peu comme un collage 2D. On voit les étoiles, la Lune, mais on la voit un peu comme un monde statique, presque 2D, comme un dessin. Mais en voyant les photos d'Apollo, on réalise que non, c'est vraiment un monde à part entière, 3D, avec sa propre géologie, sa propre histoire. Et donc, moi, quand j'ai regardé ces photos-là, je me suis dit, on peut explorer l'univers et On peut aussi extrapoler que toutes les images prises par les télescopes, c'est des vraies choses qui existent dans l'espace. Donc, une grande influence pour moi, c'était la mission du télescope Hubble dans les années 90. Et on peut extrapoler d'Apollo que les nébuleuses, les galaxies, c'est des vraies choses qu'on peut comprendre dans l'univers aussi. Donc, en trois dimensions. Oui, exactement. Ouais. Et je tiens à souligner le caractère rassembleur de la chose, parce qu'il y avait beaucoup de téléspectateurs en 1969. Il y avait beaucoup de gens qui se sont déplacés aussi pour voir la fusée. Mm-hmm. Mais il y avait quelque chose dans l'exploration lunaire qui rassemblait l'humanité. Je me trompe. Effectivement, non, c'est une des beautés de l'exploration spatiale en général. On dirait que ça nous sort du carcan de nos nations, hein, puis des divisions géopolitiques. C'est comme clairement au-dessus de tout ça. C'est comme c'est des ponts au-dessus des nuages qui nous rassemblent tous. C'est une des comme astronaute, c'est un peu notre fierté professionnelle. C'est pas du blabla. On démontre à chaque jour que les êtres humains sont capables de travailler ensemble. Pas facile des fois, mais c'est comme une démonstration pratique qu'on est capable d'accomplir des choses surhumaines, de collaborer. Et même en ce moment, hein, avec toutes les tensions géopolitiques qu'on connaît, ça continue. C'est comme le seul pont qui reste ouvert avec la Russie. C'est la collaboration dans la station spatiale internationale. Fait que même à l'époque d'Apollo, ben c'est ça, c'était la guerre froide. Ça était un peu une course avec l'Union soviétique, mais ça a mené à un espace de collaboration dans l'espace. Donc, je pense que c'est pour ça que ça parle à tellement de gens. C'est que soudainement, c'est clairement quelque chose qu'on fait en commun. Et d'ailleurs, Apollo 11, hein, tout leur discours, c'était au nom de l'humanité. For all mankind. Mmh, oui, c'est vrai. C'était pas au nom de la nation des États-Unis. Non. C'était pour les humains. Mmh. En tout cas, ça a généré des vocations, un peu comme les vôtres. Mmh. Autant Apollo que les missions subséquentes. Qu'est-ce qui vous a donné le goût d'aller étudier les étoiles, l'espace, la Lune et tous les astres, Nathalie? C'est vraiment une admiration, une fascination pour la nature, justement, comprendre ces phénomènes et les phénomènes qui sont tellement plus gros que les humains. On a tendance, les humains, à penser qu'on a la maîtrise de tout, on est capable de tout contrôler, mais on voit qu'on n'est rien en face d'un ouragan, par exemple, ou d'une tornade ou d'un volcan. Et dans ma tête, rien n'était plus gros qu'une galaxie en collision avec une autre galaxie, par exemple. C'est vrai. C'est vraiment grandiose. Donc, je voulais comprendre comment ça fonctionnait. Et j'ai eu la chance d'avoir un milieu familial très, très favorable à ça. Mes deux parents sont ingénieurs. Ma mère travaille encore dans l'aérospatiale. Donc, on regardait plein de documentaires. Je lisais des livres à la bibliothèque. Et donc, j'ai jamais perdu cette fascination pour la nature. Oui, au point d'en faire finalement une carrière. Il y a plusieurs archives qui nous permettent de replonger au cœur de l'aventure. Je vous propose d'écouter deux extraits. Un premier où on entend les échanges entre la base de contrôle Houston et l'astronaute Neil Armstrong qui confirme l'alunissage du module Eagle sur la mer de Tranquillité sur la Lune. OK, engine stop. APA at a descent. Auto-descent. Mode control both auto-descent, engine command override off. Engine arm off. 413 is in. We copy you down, Eagle. Listen, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Roger, Tranquility. We copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot. Thank you. You're looking good here. Je vous le traduis. Eagle OK, moteur arrêté. L'engin de contrôle est désactivé. Les deux modes de contrôle sont automatiques. L'annulation de la commande du moteur de descente est désactivée. Armement du moteur désactivé. 413 est en place. Nous vous recevons Eagle. Armstrong, ici la base de la Tranquillité. L'Eagle a aluni. Roger, Tranquillité, nous vous recevons au sol. Vous avez un groupe de gars sur le point de devenir bleu. Nous respirons à nouveau. Merci beaucoup. Sur le point de devenir bleu, qu'est-ce qu'on veut dire, David Saint-Jacques? Alors, ce qui est particulier un peu des opérations spatiales, c'est que c'est un peu toujours des prototypes, des premières fois. On aimerait mieux faire ça un peu en privé, mais on fait ça en public. C'est vrai. Hein? Tout ça est fait en public, live, avec des millions de personnes qui regardent. Fait qu'il faut... la blague, c'était que là, c'était un pari énorme pour la NASA d'envoyer des gens sur la Lune. Et il fallait que beaucoup de choses marchent très bien. Et d'ailleurs, ça a failli pas marcher à plusieurs moments, mais Alors, les gens retenaient leur souffle. Ils étaient en train de devenir bleus parce qu'ils retenaient leur souffle. Ça va-tu marcher? Ça va-tu d'accord. marcher? Ça c'est va-tu pas marcher? Un manque d'oxygène. Non, ça, okay. C'est dans la salle de contrôle qu'on disait que ah, c'est les 30 personnes dans la salle de contrôle qui avaient tous leurs doigts croisés, qui retenaient leur souffle et qui étaient en train de devenir bleus. D'accord. Imaginez la scène, hein, cette salle de contrôle. C'est comme le sein des seins de la NASA. C'est une petite salle, une trentaine de personnes qui sont chacun à la tête d'une pyramide avec des centaines de spécialistes derrière au téléphone. Mais là, dans le temps d'Apollo, c'était un autre monde. L'âge moyen dans la salle de contrôle, c'était 28 ans. Moyen? On était très jeunes. Oui, oui, c'était tous les meilleurs gradués de l'époque. Et parce que personne n'avait de l'expérience. Mais c'était nouveau, c'était effectivement. Nouveau. Fait qu'il fallait juste de la créativité et de l'énergie. L'audace. Et de l'audace. Et beaucoup de café. Et ouais, et retenir son souffle. Wow! Parce qu'il y a quand même des dangers en mettant le pied sur la Lune. Oui, absolument. C'est un environnement très, très hostile, très différent de la Terre. Et en fait, ils n'ont pas atterri où ils étaient supposés. Non. Ils sont allés plus loin et donc, ils ont dû prendre des décisions pour choisir un nouveau site d'alunissage la qui était propice. La mer de tranquillité, ce n'était pas l'objectif? Alors, ce à quoi on fait référence, c'est que les sites d'alunissage avaient été décidés à partir de photos prises avec les meilleurs télescopes disponibles de l'époque, de la Lune. Mais tu peux imaginer que les pixels sont gros. Right? Fait que les pixels avaient je sais pas combien, cette photo-là, peut-être 30 mètres. On est loin du HD. Fait qu'on avait une idée là, que ça devrait être assez plat. Là. Mais là, quand ils se sont approchés, ils étaient plus rapides. Il y a des énormes rochers ici, gros comme des voitures, je peux pas atterrir là. Ah. Fait que là, c'était la course parce qu'il leur restait 10 secondes de fuel, 9 secondes, oui. 8 secondes. Et là, ils planaient à côté. Ici, je pense que c'est assez plat. Ils se sont posés avec presque aucune marge. Ouais. Mais ils se sont posés quand même. Oui, oui. Et ouais. En fait, une anecdote, c'est le Canada était presque les premiers sur la Lune. Pas en tant qu'humain, mais les pattes sur l'alunisseur étaient faites par une compagnie canadienne. Okay. Mais le Canada n'a pas eu cette chance. Les Américains étaient bien au pif de cette histoire. Et donc, ils ont mis des petits bouchons au bout des pattes pour s'assurer que ça soit vraiment du matériel américain. C'était même une compagnie montréalaise. Oui, exact. Mm-hmm. Ben franchement, on parle de collaboration ici, mais il faut que le titre revienne quand même aux États-Unis. Je vous propose maintenant d'écouter l'enregistrement célébrissime lorsque Neil Armstrong annonce à Houston qu'il va mettre le pied sur la Lune. I'm at the foot of the ladder. The lamb footbeds are only depressed in the surface about 1 or 2 inches, although the surface appears to be very, very fine-grained as you get close to it. It's almost like a powder. Ground mass is very fine. I'm going to step off the lamb now. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Je vous traduis ici, c'est Neil Armstrong qui dit « Je suis au pied de l'échelle, les pieds du module lunaire américain sont enfoncés dans la surface de seulement 1 ou 2 pouces, bien que la surface semble avoir un grain très très fin à mesure qu'on s'en approche. C'est presque comme une poudre, par moments ça va très bien. Je vais descendre du module lunaire maintenant. C'est un petit pas pour l'homme, un pas de géant pour l'humanité. » D'entendre ça, ça vous donne des frissons encore? À chaque fois. Ouais. À chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Et selon ce qui se passe dans l'épisode qu'on vient d'entendre, le segment, c'est que il y a toujours une crainte que la Lune, ça soit un peu comme des sables mouvants, peut-être. Parce que, tu sais, c'est un paquet de sable et de roches qui n'ont jamais été compactés, à part par la faible gravité lunaire, puis le brassage avec les impacts. Donc, il y avait toujours cette incertitude. Est-ce que c'est capable de supporter le poids de quelqu'un? Le module lunaire, bon, on a mis des énormes pieds, hein, c'est comme des disques de presque 1 mètre de diamètre, les plats. Donc, on avait confiance. Déjà, le module lunaire, ça ne s'enfonçait pas, c'est correct. Alors, lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il était debout sur les pieds. Et là, il mettait un pied dans la poussière, puis il mettait son poids plus. Il enlevait. Ça a l'air de tenir mon poids. OK, je pense que je vais oser. OK, j'y vais. Et finalement, c'est rendu compte, non, en fait, finalement, ça tient très bien. On s'enfonce de peut-être un centimètre sur la Lune. Et ça nous permet d'avoir des informations extrêmement utiles, extrêmement importantes sur la Lune. C'est une surface, finalement, plus solide qu'on pense. Il y a beaucoup de poudre. C'est comme un désert, Nathalie? C'est un peu comme un désert. Et en fait, la théorie qu'on a sur la formation de la Lune, c'est qu'un énorme astéroïde de la taille de Mars aurait percuté la Terre, aurait arraché un morceau de la Terre. Et dans un espace très rapide, de quelques heures à peut-être quelques semaines, la Lune s'est formée de ces débris. Donc, en fait, la Lune, c'est comme une petite sœur de la Terre qui aurait beaucoup des mêmes matériaux. Mais lorsqu'on arrive sur la Lune, de ma compréhension, je ne suis jamais allée, malheureusement, cette poudre qu'on mentionne, ce n'est pas comme un beau sable doux sur une plage des Caraïbes. C'est en fait une poudre qui devient très rugueuse, qui peut être très nocive pour les équipements. Oui, c'est des fragments. La Lune est bombardée de météorites, comme la Terre d'ailleurs, mais sur Terre, la plupart des météorites brûlent dans l'atmosphère puis qui ne se rendent pas au sol, seulement les plus gros. La Lune, elle est nue, si on veut, elle n'a pas l'atmosphère. Alors, elle est bombardée par des météorites de toute taille depuis des millions d'années. C'est pour ça qu'il y a des cratères partout. Mais les cratères qu'on voit sont énormes. Mais au sol, il y a des cratères minuscules aussi. Il y en a de toutes les tailles. Et tout ça fait que la surface est complètement fragmentée. C'est juste des débris d'explosion de toutes les tailles. Et sont vu qu'il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'eau, ils sont très, très, très rugueux. Mmh. Alors, pour les missions Apollo, c'était un problème d'abord parce que, tu sais, mettons, imagine le joint torique sur la porte, il y a du sable dessus, la petite poussière. Là, avant de rentrer pour la fermer, il faut le nettoyer. Les gars, ils rentraient dedans, leur habit était couvert de cette poussière rugueuse. Là, ils rentraient dedans, ils repressurisaient dans le module, ils respiraient ça. Ils toussaient gris, là, comme un peu comme des mineurs dans l'ancien temps, dans les mines d'amiante. Et d'ailleurs, ça fait des problèmes pulmonaires, la poussière lunaire. Donc ça, c'est un problème. Maintenant qu'on envisage retourner sur la Lune, pour les missions Artemis, c'est un des gros problèmes, les poussières lunaires, parce que c'est très abrasif pour la mécanique et c'est très toxique pour les poumons humains. Mmh. D'ailleurs, un fait incroyable, on envisage de mettre une station spatiale autour de la Lune, la station Gateway, qui est le Canada va fournir un bras robotique pour ça. Mais là, on s'est rendu compte que l'alunissage des missions Artemis sur la Lune risque d'envoyer de la poussière sur la station orbitale. Soudainement, il faut penser à ça pour une station orbitale. Il faut peut-être utiliser des ventilateurs géants pour repousser la poussière sur la Lune. Peut-être pas des ventilateurs, mais ça, ce qui marchait, c'est que c'est la poussière qui est électrostatiquement chargée. Alors peut-être qu'avec un jeu d'électricité statique, on serait capable de les repousser. Oh là là là là, c'est vraiment fantastique. En fait, on réalise peu aujourd'hui, surtout pour les personnes probablement nées après 1969, on ne réalise pas à quel point c'est une extraordinaire entreprise d'ingénierie et d'ingéniosité humaine. À quel point c'est loin, la Lune, Nathalie? C'est à 380 000 kilomètres en moyenne. Donc, c'est extrêmement loin. On ne réalise pas. On peut rentrer la Lune 30 fois entre la distance de la Terre à la Lune. On a tendance à imaginer la Lune comme étant très, très proche de la Terre. Mais c'est, en fait, c'est très loin. Et ça prend en moyenne 3 jours environ se rendre. Donc, s'il y a une urgence, par exemple, les astronautes qui sont là, ils sont seuls. Ouais. Et on a mentionné la passerelle lunaire, le Gateway. Ça ne serait pas toujours habité non plus, comme la Station spatiale internationale. Donc, on essaie aussi de penser à comment incorporer l'intelligence artificielle pour avoir le maintien de ces opérations-là. Mais c'est très, très loin. Et pour les prochaines missions Artemis, entre autres, on parle de missions qui vont rester sur la surface lunaire beaucoup plus longtemps que les astronautes des missions Apollo qui restaient quelques heures typiquement. Mais sur la Lune, on a une journée qui dure 14 jours terrestre et une nuit qui dure 14 jours. Et c'est des extrêmes, des écarts de température incroyables. Donc, de rester une jour, une nuit, c'est des défis complètement différents. C'est entre autres pourquoi on doit prendre notre temps et on doit préparer les prochaines missions Artemis. Plusieurs personnes nous disent, on a fait ça plusieurs fois dans les années 60-70. Pourquoi ça nous prend tellement de temps pour revenir sur la Lune? Les missions sont complètement différentes. Oui, puis notre tolérance au risque est différente aussi. Oui, absolument. Toutes les missions Apollo, en rétrospective, ils ont toutes failli mal aller. OK? C'était toutes comme 900 sur 10 de fonctionner en rétrospective. Pour Artemis, les missions qui s'en viennent, l'émission qui va inspirer la génération Artemis, nous c'est la génération Apollo, bien, ces missions-là, on vise plus 99 %. On veut que ça soit plus opérationnel. Donc, je crois que c'est plus de préparation. Pour la distance, c'est une chose que j'aime dire. Moi, je suis 6 mois dans la Station spatiale internationale. Oui. La Lune, c'est 1000 fois plus loin que ça. 1000 fois plus loin que la station. Ouais. Et Mars, 1000 fois plus loin que la Lune. Oui, bon, Mars, c'est l'objectif ultime. L'objectif ultime. Donc, ce qu'on veut, c'est voir comment on peut fonctionner sur la Lune pour ensuite atteindre Mars. C'est comme si la station spatiale, c'était comme si on faisait du camping dans la cour de notre maison, dans la cour arrière. Avec, tu peux tester ton équipement. Si ça va mal, tu peux rentrer en dedans, tu peux revenir. La Lune, c'est comme amener ça en haut, je sais pas moi, du Mont-Saint-Grégoire. Mm-hmm. Tu passes la nuit, c'est sûr. Tu peux revenir, mais tu passes la nuit, c'est sûr. Mars, c'est comme dire, OK, maintenant, je suis prêt, je m'en vais à l'Everest. Wow. Là, c'est autonomie totale qu'il faut. Ouais. Donc, la Lune, un des objectifs du programme Artemis, c'est de tout apprendre comment vivre de manière autonome dans l'espace longtemps, pendant des mois, des années, pour se préparer, pour que quand on envoie des gens vers Mars, on sait que ça va marcher. Bon, vous dites, David Saint-Jacques, qu'on peut revenir quand on est à la Station spatiale internationale. Au moment où on se parle, on a 2 astronautes qui sont pris dans la station spatiale et qui ne savent pas quand ils vont pouvoir revenir. Oui, ce qui se passe, je peux résumer ce qui se passe. Hein, c'est un vol d'essai d'une nouvelle capsule de Boeing. Boeing qui a beaucoup d'expérience avec les vaisseaux spatiaux. La navette spatiale, c'est faite par Boeing. La station spatiale actuelle est faite par Boeing. Mais là, ça, c'est comme leur propre engin. Ils sont arrivés à bord, ça marchait bien, mais il y avait plusieurs réacteurs qui ont mal fonctionné. Il en reste assez pour revenir. On peut revenir. Le problème, c'est que lorsqu'ils vont revenir, la partie de la fusée où il y a des problèmes ne survivra pas au retour. Alors, les ingénieurs n'auront rien à se mettre sous la dent pour comprendre ce qui s'est passé. Alors, ils restent à bord parce qu'on fait des tests à distance. Alors, tu peux imaginer, alors, ils veulent le plus de temps possible. Les astronautes sont contents d'être à bord. La NASA sont contents d'avoir 2 astronautes expérimentés. C'est les 2 anciens commandants de la station. Fait qu'il n'y a pas de presse pour le moment. La station est capable de supporter tout ce monde-là. Il y a de l'air, de l'eau, de la nourriture. On est correct. Il y a plus de main-d'œuvre à bord. On veut être juste sûr d'avoir le plus d'informations possible avec ces tests à distance avant de revenir et là de tout perdre l'épreuve. C'est pour ça qu'on n'est pas pressé de les faire revenir. D'accord. Alors, voilà. C'est un apprentissage raté finalement si on perd notre matériel. Exactement. Voilà. Ouais, c'est dommage. Bon, sur le plan scientifique, Nathalie, j'aimerais vous entendre. La mission Apollo 11 a eu des retombées importantes. Quelles étaient-elles? Oui, absolument. Donc, c'est sûr qu'il y a l'aspect, le patriotisme et l'accomplissement humain de faire ce genre de voyage. Mais bien sûr, il y avait des missions scientifiques à bord. Donc, entre autres, on sait que sur la Lune, il y a des tremblements de Lune, comme des tremblements de Terre. Donc, on y a laissé des sismographes pour mesurer justement l'ampleur de ces tremblements qui ont duré plusieurs mois en fonctionnement. Toutes les missions Apollo aussi avaient un penchant géologie. Donc, même un des astronautes qui était dans une des dernières missions Apollo était un géologue lui-même, mais tous les astronautes d'Apollo ont été formés par ce géologue justement, parce qu'on voulait comprendre la Lune comme étant ce monde-là. Et on a pu découvrir, en fait, dans les échantillons qu'on a rapportés de la Lune, des nouveaux minéraux qui existent en fait sur la Terre, mais qui ont été découverts en premier sur la Lune. On les a découverts après, sur la Terre, on voit qu'il y a beaucoup de en commun entre la Lune et la Terre. On a aussi laissé un système de réflecteurs, donc des miroirs sur la surface de la Lune, pour que nous, sur la Terre, on puisse y pointer des lasers, mesurer le temps que ça prend pour le laser qui va à la vitesse de la lumière, de parcourir cette distance, l'aller-retour. Et ça nous permet d'avoir la distance très, très, très précise entre nous et la Lune. On voit qu'elle change au cours du temps. Et on voit aussi qu'elle change à chaque année. La Lune s'éloigne petit à petit de la Terre à un taux d'environ 2 ou 3 centimètres de la Terre. Donc, il y avait certainement des missions scientifiques importantes avec Apollo et ça va continuer avec Artemis. On va continuer avec des missions géologiques, comprendre c'est quoi la quantité d'eau, entre autres, qui existe sur la Lune. Les pierres qu'on a ramenées de la Lune sont dans une espèce de bunker à la NASA, que j'ai la chance de visiter. Et on s'en sert encore. Il y en a qui sont encore scellés sous vide, vierges encore, parce qu'il y a encore des gens qui ont des nouvelles idées dans des universités, qui demandent un petit morceau, une petite tranche. Ça continue à servir. Notamment, l'âge du système solaire, on le connaît grâce à des pierres qu'on a ramenées de la Lune. La Terre, si on veut, tout est trop usé hein, par le l'eau, l'air. Sur la Lune, tout est comme ça, vierge, fait que ça a permis de déterminer l'âge de notre système solaire. Les missions Artemis qui s'en viennent, on s'en va vers le pôle de la Lune, les pôles, parce que là, dans les pôles, il y a des endroits où il y a des cratères qui sont en permanence dans l'ombre, où le soleil ne se lève jamais, parce que le soleil est toujours à l'horizon. Et on pense que dans le fond de ces cratères-là, il y a de la glace. Oh. Oui, qui n'a jamais réussi à s'évaporer parce qu'elle n'a jamais été sous forme gazeuse. Mmh. Et donc, s'il y a de la glace avec de l'électricité, on peut faire de l'hydrogène, de l'oxygène. On peut avoir une source d'énergie. Une source d'énergie, une source d'air, une source d'eau, une source de carburant. On peut faire des bases lunaires si on trouve de la glace. C'est un peu ça le but pratico-pratique D'accord. des missions Artemis. Corrigez-moi si je me trompe, David Saint-Jacques, mais la Chine a l'intention d'aller dans la face cachée de la Lune. Est-ce que c'est pour justement ne pas retrouver... Ou Nathalie, oui, si vous pouvez répondre. Est-ce que c'est justement pour ne pas avoir ces défis techniques, c'est-à-dire d'avoir le jour extrême de 14 jours et la nuit extrême de 14 nuits? Attention, la face cachée, ce n'est pas la face sombre. Oui. Ah, d'accord. Oui, la face cachée reçoit autant de lumière que la face visible. Oui. Ah, lorsque c'est une nouvelle lune pour nous, l'autre côté est ensoleillé, en fait. Donc, c'est juste qu'on ne la voit jamais. C'est comme si la Terre et la Lune, la Terre tourne autour de la Lune, un peu comme quand tu tiens un enfant par la main, puis on tourne. Les deux, on tourne, mais on est complètement synchronisé, donc on voit toujours la même face de l'enfant. C'est la face visible de l'enfant. On ne voit pas son dos. D'accord. On ne voit jamais son dos, mais il tourne. La face cachée de la Lune, c'est ça aussi. D'accord. Elle est elle-même au soleil, à l'ombre, soleil, à l'ombre, mais on ne la voit jamais cette face. Et d'ailleurs, elle a plus de météorites, je crois, hein, mm-hmm. parce que la Terre protège la face visible. Uh-huh. On a... oui, voilà. Intéressant, merci de la précision quand même. Je pense que c'est peut-être Robert Lepage avec la face cachée de la Lune qui nous donne cette idée-là. En anglais aussi, il y a The Dark Side of the Moon. Oui, voilà. Cette idée-là, mais il ne fait pas noir de l'autre côté. C'est juste qu'on ne la voit jamais. Non. D'accord. Alors, mais c'est fait, la Chine a déjà atterri sur le côté caché de la Lune. Et c'est parce qu'en fait, le côté qu'on peut toujours voir a été le côté qui a été le plus étudié. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses intéressantes, des secrets cachés. Ouais. Donc, on veut comprendre vraiment la Lune au complet, les équateurs des deux côtés, les deux pôles, pour voir s'il y a des ressources intéressantes, des places intéressantes pour y mettre des bases lunaires et faire des études scientifiques. Oui. Bon, David parlait de Boeing, qui a construit la Station spatiale internationale, en tout cas en partie. La NASA a investi des sommes astronomique, et je ne fais pas de jeu de mots, là, ici, un budget de presque 200 milliards de dollars en dollars ajustés. C'est énorme quand même. Aujourd'hui, on se tourne de plus en plus vers le privé. Vous voyez ça de quel œil, Nathalie? Je pense que c'est bien et mauvais en même temps. Il y a des avantages et des désavantages. Je pense que le privé a l'habilité à être plus agile. Donc, ils sont capables de faire des innovations beaucoup plus rapidement, entre autres parce que leur idée de risque est un peu différente. Une compagnie privée peut prendre plus de risques qu'une agence publique qui a des redevances au grand public, aux citoyens. Et donc, il peut y avoir une très, très belle collaboration entre les deux. Moi, c'est ce que je veux voir, une collaboration entre le privé et le public. Moi, ma seule inquiétude, en fait, c'est que c'est un peu le Far West par moment, l'espace. Il n'y a pas beaucoup de législation, de politique internationale qui gouverne à qui appartient quoi. Si tu atterris sur un corps, est-ce que tu peux le clamer comme étant ta propriété? Qui peut envoyer quelque chose? Quand on envoie quelque chose dans l'espace, ça arrête de fonctionner. Comment on fait pour s'en débarrasser? C'est un problème à l'heure actuelle. Hein? Oui. Donc, j'espère qu'on va pouvoir avancer en apprenant nos leçons, d'ailleurs, et le faire avec un esprit collaboratif et soutenable, avec un environnement durable en tête. Mm. Spécifiquement, on se demande quoi faire de la Lune. Il y a des accords, l'accord Artemis, justement, une entente à haut niveau, mais c'est des pays qui ont décidé de signer ça. C'est pas tout le monde qui l'a signé. Est-ce qu'on protège comme l'Antarctique? Un peu, but scientifique seulement. Parce que si on prend l'exemple de l'orbite terrestre, c'est un peu le Far West. Il y a comme une entente. Normalement, tu devrais ne pas laisser ton vieux satellite mort en orbite. Tu devrais garder un peu de carburant à la fin pour le ramener. Mais c'est pas tout le monde qui le fait. Alors, il y a des règles, mais c'est des ententes. Il n'y a pas vraiment de police pour ces règles-là. La police de l'espace. Oui, non, c'est ça. C'est un domaine que je pense que je suis d'accord avec toi. Mm-hmm. En principe, c'est inévitable et c'est une bonne chose que l'industrie privée s'en mêle plus. Je pense que ça reflète aussi le fait que le problème est les gouvernements ont pris les risques initiaux de faire évoluer la technologie. Maintenant, c'est plus mature, un peu comme l'aviation. Hein? Maintenant, c'est bon. Mais il faut encadrer avec des règlements, des législations. D'ailleurs, l'industrie le demande. le demande, parce que pour avoir une compétition saine, ça prend une réglementation équitable. Mm-hmm. Alors, l'orbite terrestre, ça presse avant qu'il y ait trop de déchets et qu'on soit emprisonné sur Terre. Qu'on ne puisse plus sortir. Ben oui, on imagine ce scénario catastrophique où il y a tellement de déchets en orbite que c'est comme, tu sais, le jeu Froggers, là, quand une grenouille qui essaie de traverser l'autoroute, là, puis c'est impossible parce qu'il y a trop de trafic. Ben, c'est un peu comme ça à l'heure actuelle. C'est pas encore comme ça, mais si on ne fait rien, il va y avoir tellement de déchets en orbite que ça va commencer à devenir la roulette russe d'espérer se rendre en orbite sans se faire frapper par un vieux satellite mort ou un fragment. Après ça, sur la Lune, est-ce qu'on devrait la protéger un peu comme l'Antarctique? Parce qu'il y a des déchets sur la surface de la Lune. Il va finir par y avoir des déchets. Par exemple, les fusées lunaires qui se vont vers la Lune, le dernier morceau, il s'écrase sur la Lune. Les alunisseurs Apollo sont encore là. Les vieux rovers, les vieux astromobiles morts sont encore là. Et qu'est-ce qu'on fait avec ces déchets-là? Qu'est-ce qu'on fait avec le risque quand on pense plus loin à Mars? Là, je rêve d'aller sur Mars. Est-ce qu'il ne faut pas non plus polluer Mars avec nos propres bactéries? Il y a tout un débat éthique qui est, comme tu mets ton expression, il faut se sortir du Far West. Intéressant. Il faudra vous réinviter pour parler de mission martienne et ce que ça peut vouloir dire pour l'humanité, mais pour notre système solaire à nous aussi. C'était passionnant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nathalie Nguyen-Kwakwelette, je rappelle qu'elle est directrice adjointe à l'Institut Trottier de recherche sur les exoplanètes et de l'Observatoire du Mont Mégantic. Et David Saint-Jacques est astronaute. Si on vous demande d'aller sur la Lune, vous êtes oui demain? Oui. On est tous un peu dans le métier pour ça. Il faudrait que j'arrange la logistique avec ma famille, par contre. C'est tout le vous avez des jeunes enfants, Oui. Oui, merci beaucoup à vous deux d'être passés en studio. Merci. Evelyne. Merci. On a le bonheur ce matin de vous présenter un nouveau segment d'émission. On a voulu mettre ensemble deux représentants de sciences différentes, les sciences douces d'un côté et les sciences dures de l'autre. Je vous présente nos joueurs. On a Nathalie Platt en studio à Sherbrooke. Bonjour Nathalie. Bonjour. Nathalie, que vous connaissez et que vous lisez certainement dans Le Devoir. Elle est psychologue, autrice, également enseignante à la maîtrise au Centre d'études du religieux contemporain à l'Université de Sherbrooke. Et vous comprenez que c'est notre représentante des sciences dites douces. Et de l'autre côté, on a Anthony Bertrand-Grenier. Bonjour Anthony. Allô? Alors, vous êtes physicien médical, ingénieur biomédical, professeur associé de l'Université du Québec à Trois-Rivières. On a souhaité un dialogue entre les sciences. Est-ce que ça existe, ça, entre les sciences qu'on disait molles autrefois, mais les sciences dures? Est-ce que ce sont des départements qui se parlent beaucoup, Anthony? Oui, absolument, absolument. L'interdisciplinarité, la multidisciplinarité. En fait, ce que je vais dire, c'est science dure, science douce. En fait, la méthode pour chercher la vérité reste la même, soit la science. C'est seulement l'objet qu'on étudie qui change. Autrement dit, les sciences humaines étudient l'humain, les sciences nature, on va dire, étudient la nature. Mais c'est quand même, l'humain est beaucoup plus complexe que la nature parce que arriver à des résultats fiables et reproductibles, c'est plus difficile. Je vais vous donner un exemple. Il y a beaucoup moins de facteurs qui influencent la prise de données pour le mouvement des atomes que pour, en nutrition, par exemple, à déterminer si un aliment spécifique a une influence pour augmenter ou diminuer les risques d'une maladie. Tu sais, il y a plein de choses qui vont influencer l'aliment, que ce soit la génétique, l'environnement, l'exercice pour la personne, tandis que le mouvement des atomes, mais il n'y aura pas de ça. Là, j'ai donné l'exemple en nutrition, mais en psychologie, en sociologie, ça risque d'être encore plus difficile. Ouais. Et aussi, ça a un lien avec la capacité de nos instruments. Il y a plus de 100 ans, le comportement animal était considéré comme une science douce parce que l'humain était sur place pour étudier le comportement animal. Donc, on allait sur le terrain, on influençait leur comportement en étant présent avec eux. Mais là, maintenant, avec les caméras, on est capable d'avoir des données beaucoup plus fiables. Donc, ça a un lien aussi avec l'instrumentation. Peut-être un jour, on va avoir une technique d'imagerie médicale qui va être capable de faire des prédictions sur le comportement humain en psychologie ou sociologie. Oui, c'est ça, parce que l'instrument humain n'est pas neutre, Nathalie. Justement, parlons-en de ces sciences qu'on appelait molles autrefois. Pourquoi on disait ça, d'ailleurs, des sciences molles? Ben, je pense que ça pouvait parler d'une certaine... Je ne sais pas si le mot mépris est trop fort, mais pendant plusieurs années, il y a eu quand même un certain paternalisme, même, je vais oser le mot, là, par rapport aux sciences qui pouvaient appliquer des méthodes notamment plus qualitatives, qui s'intéressaient à l'expérience des sujets. Maintenant, je pense que cette asymétrie-là dans la qualité du savoir tend à diminuer. On a des dialogues, le dialogue qu'on a en ce moment en est la preuve. Mm-hmm. On a du respect mutuel pour les façons d'appréhender le réel. Mais c'est le fun, les débats aussi. Hein. Même au sein des sciences humaines, je dirais qu'il y en a là, qui vont se réclamer, même pas des sciences humaines, mais des humanités, qui est un mot qui nous vient des facultés anglo-saxonnes, dans le fond, les savoirs issus des humanités vont faire un pas de côté supplémentaire, je dirais, par rapport à un certain empirisme. C'est-à-dire qu'on va parler de pensée, d'analyse, de théorisation. Il n'y aura pas nécessairement l'application de protocoles. Mais ça aussi, c'est un autre débat, peut-être pour une autre discussion. Oui, bien justement, pour le dialogue d'aujourd'hui, vous avez choisi d'explorer l'idée de la vérité. Mm-hmm. Pourquoi, Anthony? En fait, quand Nathalie m'a dit qu'elle voulait parler de la vérité, moi, j'adore le sujet, surtout en distinguant croyances et connaissances. Mais aussi, pour parler des problèmes de la vérité dans la société, en se demandant est-ce que toute vérité est bonne à dire? Et ça, j'ai pas une réponse parfaite, loin de là. Si on croise quelqu'un qui a une fausse croyance dangereuse, par exemple que des pierres magiques pourraient guérir de son cancer et qu'il va pas utiliser la médecine, est-ce qu'on lui en parle? Ou un autre exemple, si un scientifique cherche et trouve une vérité, mais qui arrive à une vérité qui fait peur ou qui est dangereuse, jusqu'à quel point lui-même en parle. C'est des questions aussi qui touchent l'éthique et la psychologie. Ouais, ça me fait penser à Don't Look Up, hein, pour reprendre l'exploration spatiale. Quand on voit, par exemple, qu'il y a un météore qui arrive et qui va percuter la Terre, est-ce qu'on alerte tout le monde ou pas, finalement? Mm-hmm. Ouais, la question de la vérité, c'est vraiment un thème passionnant parce que, moi, c'est sûr qu'il est omniprésent dans ma pratique, là, parce que, évidemment, les gens qui viennent en psychothérapie, ils vont me parler de ce qui, pour eux, est la vérité. Il y en a beaucoup qui vont arriver avec un désir d'être objectivé aussi, donc de dire... Est-ce que je suis normale? Est-ce que ce que je dis est vrai ou pas. Puis on va voir en discutant que c'est pas nécessairement la réponse que je vais leur fournir. C'est beaucoup le comment qui va m'intéresser, donc le sens que ça a pour eux. Mais aussi, c'est intéressant la question de la vérité parce que, ben, comme dans Don't Look Up, mais aussi, là, pensons à la pandémie là, qui est à peine derrière nous. Ça nous a beaucoup confrontés socialement au fossé qu'il pouvait y avoir entre les connaissances scientifiques, des croyances que plusieurs personnes portaient. Il y a même eu des dialogues qui ont été rompus. Donc, c'est un thème qui nous traverse, là. Oui, certainement. Puis on peut le voir aussi, la vérité est différente dans les yeux d'un couple, par exemple, qui vont venir dans votre bureau, Nathalie. Tous les deux ont l'impression d'avoir la vérité sur la situation. Oui, il suffit vraiment de faire une seule séance de couple pour comprendre comment la vérité peut se comprendre d'un point de vue subjectif. Hein, parce que les deux vont raconter parfois le même événement, puis on va se rendre compte que c'est pas du tout la même perception. Puis c'est d'ailleurs une des choses qu'il va falloir travailler, d'essayer de dérigidifier cette idée-là d'une vérité objective quand on est dans le domaine relationnel. Oui, je comprends. Du côté des sciences pures, des sciences dures, vous en êtes le représentant, Anthony. Qu'est-ce que c'est, la vérité? Mais en fait, la vérité, je vais la définir au niveau de la philosophie même. Donc, la vérité, on va utiliser les termes « ça, c'est vrai, ça, c'est faux », mais c'est quoi être vrai et c'est quoi être faux? Bien, la définition de la vérité, c'est lorsque la pensée où la proposition ou l'énoncé correspond à la réalité. Autrement dit, pour nos auditeurs, est-ce que c'est vrai que vous m'écoutez en ce moment? Oui, c'est vrai parce que ça correspond à la réalité.